Bonjour et bienvenue à la dernière émission de CNX.zip en 2011. Je m'appelle Mathieu Plante. CNX.zip compresse les chroniques CNX diffusées dans l'assemblage requis et cette semaine, on compresse celle de la semaine du 19 décembre 2011. Parmi nos sujets, Google obtient un brevet pour une voiture à pilotage automatique, des Nintendo 3DS pour parcourir le Louvre, Facebook source d'informations pour les 18-34 ans, l'industrie du disque aurait piraté une série télé et les Canadiens rêvent de réseaux plus rapides. Tout ça en plus de mes pièces musicales préférées inspirées par les jeux vidéo. On commence tout de suite avec la chronique de lundi. Lundi. Notre bulletin geek pour la fin de semaine, on n'a pas eu de chronique depuis jeudi matin, donc on a la journée de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Beaucoup de stock. Quand même beaucoup de stock, mais pas tant de grosses nouvelles que ça, je vous dirais. On va commencer par des choses très, très anodines et même pas temporelles. Des mots-clés recherchés sur Google pendant l'année 2011. OK. Donc, non seulement sa chanson Friday est restée dans la tête de plusieurs en 2011, mais la chanteuse elle-même, celle qu'on appelle Rebecca Black, restera dans les annales de Google comme celle dont le nom a connu la plus forte progression sur le moteur de recherche cette année. Est-ce que tu te rappelles la chanson de Rebecca Black? Non, est-ce que je l'ai même pas arrangée sur l'ordi? J'aurais pu vous faire ça au moins. Au moins, ça aurait été pas pire. Attention. C'est quoi ça? Moi, ça me dit rien du tout. Même pas sûr qu'on l'entendait. Je suis pas assez branché. Non, c'est ça. T'es pas assez branché sur le 3W, François. Non, c'est Friday, blablabla. C'est super mauvais. C'est populaire, ça. Oui, c'est extrêmement populaire parce que les recherches pour Rebecca Black ont connu une augmentation de 10 000% entre 2010 et 2011, confirmant le succès viral de la jeune femme dont la vidéo Friday a été visionnée par plus de 167 millions de... Non, ça dit 167 millions de fois et non pas de personnes. On sentait que plusieurs l'ont regardé plusieurs fois. C'est tellement mauvais. Des 10 termes ayant connu la plus forte progression, 3 se rapportent à Apple. L'iPhone 5 est en 6e position chez Google. Steve Jobs en 9e et l'iPad 2 en 10e. Si la jeune Rebecca Black a été numéro 1 des recherches ayant connu la plus forte progression à l'échelle mondiale, elle se classe 4e au Canada. C'est le recensement canadien qui a fait le plus chercher les internautes du pays. Le census, là, truc. L'adresse census2011.gc.ca est le terme qui a connu la plus forte progression. Là, on parle de l'adresse. Donc, les gens ont cherché l'adresse census2011.gc.ca à la place de la taper dans la barre d'adresse. Hein. C'est quelque chose. Suivi de Skyrim, le jeu vidéo de The Elder Scrolls V Skyrim, ouais. Que tout le monde capote sur ce jeu vidéo. Ça, c'est comme la suite d'Oblivion, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais, c'est dans la chronologie. Ouais, Oblivion, il me semble que c'était le précédent. Ouais, je crois bien. T'as raison. Donc, sorti cette année, et de Canada Post Strike ou la grève à Post Canada ensuite. Jack Layton est en 7e position de ce palmarès canadien de Google. Dans la catégorie Qu'est-ce que, on apprend que les Canadiens ont interrogé Google pour savoir ce qu'est l'amour, Wikipédia, Android, Tumblr et la 3G, la technologie 3G sur les téléphones cellulaires. Ah. Et les tablettes. Google ne précise pas si ceux qui ont effectué la recherche pour savoir ce qu'est l'amour ont trouvé la réponse à leur question. Oh. Combien de temps de s'envoler... C'est compliqué. C'est compliqué, ouais, mais c'est comme... en tout cas. Combien de temps de s'envoler vers des contrées éloignées? C'est vers Las Vegas qu'ont le plus reluqué les Canadiens. Suivent la Jamaïque, Cuba, New York et Hawaï. Las Vegas? Oui. Oh. Quand même intéressant. Surprenant. Allez voir le Zeitgeist 2011 de Google en passant par assemblagerequis.com et évidemment l'article venait de Cyberpresse ou lapresse.ca. Parlons maintenant de Google un petit peu. Voiture à pilotage automatique. Google obtient un brevet là-dessus. Google croit fermement aux promesses d'une voiture disposant d'un mode de pilotage automatique et les autorités du Bureau de la propriété intellectuelle aux États-Unis lui ont remis un brevet. Au mois d'octobre 2010, Google présentait son ambitieux projet et expliquait plancher sur la voiture du futur. Mais évidemment, celle-ci ne vole pas. Non. Pas encore. L'ingénieur Sébastien Thrun affirmait sur le blog officiel de la société, et je cite, « Nous avons développé une technologie de pilotage automatique pour les voitures. Pour la firme de Mountain View, il s'agissait de mettre au point un véhicule moins polluant et surtout plus sécurisé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, il y aurait 1,2 million de décès causés par les accidents de la route. Nous pensons que notre technologie peut diminuer ce chiffre peut-être de moitié, affirme-t-il. Concrètement, ces véhicules sont équipés de caméras vidéo, de capteurs sensoriels ainsi que d'un télémètre laser pour analyser l'état du trafic routier. Au mois de juin dernier, l'État du Nevada avait donné à Google son feu vert pour la mise en circulation de 6 voitures afin de procéder à des tests dans des conditions réelles. Quand même assez impressionnant. En mai 2011, 5 ingénieurs de Google avaient déposé un brevet décrivant une méthode permettant de passer d'un mode de conduite classique à un mode de pilotage automatique. La voiture serait ainsi en mesure de devenir autonome après s'être correctement géolocalisée et en bénéficiant donc de toutes les données pour se rendre d'un point A vers un point B. Dans ce document, Google précise que la voiture peut être programmée pour effectuer un circuit constitué de plusieurs arrêts. Par exemple, si les occupants de la voiture font un safari ou visitent un parc touristique. Le mécanisme interne peut aussi configurer le temps d'arrêt entre chaque point d'intérêt. Génial, génial. Puis ça, c'est de la bonne technologie avec un télémètre et tout. Ça, on devrait voir ça quand on a un GPS parce que, tu sais, signal GPS trop faible, tu sais, mettons. Puis tu mets ça sur le cruise control, tu sais. Télémètre, tu peux voir la distance des affaires, tu sais, je sais pas. Ça a l'air coûte cher, par exemple. Ça doit. J'imagine. Un jour, en quoi? En 2025, mettons. Dans toutes les voitures. Non? Peut-être pas. J'ai de la misère à croire, moi, ça. Ouais. Va voir la vidéo. Il y a une vidéo sur l'assemblage. Mais j'aurais de la misère aussi à... comment je pourrais dire ça? Lui faire confiance? Ouais. Ouais, je sais pas. Puis en fait, c'est con, mais j'aime ça conduire. Ouais? Ouais. Bon. Un jour peut-être, moi. Hein? Un jour peut-être que je vais savoir de quoi tu parles. Continuons sur le sujet de Google. La gratuité des appels nationaux sur Google Voice se poursuivra. Google a étendu son offre d'appels gratuits aux États-Unis et au Canada grâce à Google Voice en guise de cadeau de fin d'année pour ses utilisateurs. Je cite, « Comme la saison des fêtes approche, nous sommes heureux d'annoncer que nous allons prolonger notre offre d'appels nationaux gratuits aux États-Unis et au Canada pour 2012. Nous aidons à notre manière les familles et les amis à garder le contact à travers le pays et vous pouvez toujours appeler le reste du monde à partir de Gmail à des tarifs follement bas. » Annoncé le Vincent Paquet. J'adore bien un beau Vincent Paquet de Google Voice dans un billet daté du 13 décembre sur le blog de Google Voice. Les utilisateurs canadiens et américains bénéficient de la gratuité des appels sur Google Voice depuis le lancement du service en 2010. Mais Google avait laissé entendre en août dernier que l'offre pourrait s'arrêter à la fin de 2011. Donc là, on parle de 2012 au complet. Donc peut-être qu'à la fin de l'année 2012, ça va arrêter. Mais même si ça arrête et que ça devient payant, ça va être des prix follement bas, comme dit M. Paquet. Follement bas. Non, mais on n'en doute pas. Hein, il faut pas prendre ça pour acquis. Là. Non. Les gens n'arrêtent pas de prendre des affaires pour acquises, là. Hein? Ça restera pas pour toujours gratuit, ça. Non, ça, c'est sûr. Ça peut pas être rentable gratuitement. Comme YouTube. Hein? Vous avez beau chialer contre les pubs, mais au moins, ça existe. Hein? Ouais, c'est ça. Exact. Parce qu'il n'y a pas grand place comme ça sur Internet YouTube. Il y en a beaucoup, mais ils sont pas tout aussi garnis de bons contenus. Et de mauvais contenus aussi. Surtout le mauvais. Moi, j'apprécie particulièrement le mauvais contenu. Bill Gates, maintenant, aucun retour envisagé pour diriger Microsoft. Alors que plusieurs spéculaient sur un éventuel retour de Bill Gates à la tête de Microsoft, le principal concerné vient de réfuter catégoriquement une telle possibilité selon l'article de branchezvous.com. De telles rumeurs ont pris de l'ampleur la semaine passée, appuyées par un texte de CNN Money soulignant que le retour d'un dirigeant légendaire avait parfois pour conséquence le redressement d'une entreprise. L'histoire démontre d'ailleurs que les retours de Steve Jobs chez Apple et de Larry Page chez Google furent couronnés de succès, évidemment. Je pense qu'on le sait tous. Donc, on rappelle que, en mai dernier, l'important gestionnaire de fonds de Greenlight Capital et actionnaire de Microsoft, David Einhorn, a fait trembler Wall Street en affirmant que Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, se devait de démissionner pour redonner de l'élan au titre boursier. Par contre, Bill Gates n'envisage aucunement de revenir à temps plein chez Microsoft. Le richissime homme d'affaires a quitté Microsoft en juin 2008 pour se consacrer à son organisme humanitaire Bill & Melinda Gates Foundation. Et il entend d'ailleurs continuer d'y travailler jusqu'au moment de sa mort. Oh! Dans une entrevue accordée à Fairfax Media, M. Gates a déclaré être impliqué à temps partiel au sein de Microsoft et avoir même prodigué quelques conseils cette semaine. Et ça changera pas, car la Fondation nécessite toute mon énergie alors que nous croyons avoir un impact positif grâce à celle-ci. Maintenant, parlons de Facebook un petit peu. T'as vu la nouvelle interface de ton profil? Est-ce que t'es allé voir? Y a rien de changé. Ton profil à toi? Y a rien de changé. Rien de changé? T'as pas de bouton voir le nouveau look, essayer le nouveau look? Non, je pense pas. Non, mais en tout cas, bref, la plupart des gens l'ont eu, donc sûrement que ça va venir très bientôt. Hein. Ces choses-là se font par catégorie, par tranche, par pointe. Donc, la timeline de Facebook, aussi appelée en français le journal, hein, eux, ils peuvent pas traduire les choses littéralement. Hein. Faut qu'ils inventent le mot, pas inventer le mot, mais en tout cas, utiliser un mot tout autre, journal. Dès aujourd'hui, vous pouvez partager votre biographie visuelle en ajoutant des photos, des événements et autres éléments importants de votre vie. Avec ce nouveau profil, vous pouvez remonter le temps pour voir les moments que vous avez partagés sur Facebook et ajouter des événements importants de votre vie selon les années, et ce même avant la création de Facebook. Hein? Important ou pas, là? Surtout pas. Ouais, c'est ça. Surtout pas. Vous pouvez aller voir sur facebook.com/about/timeline pour en savoir plus et voir une petite vidéo toute cute, là. J'aime bien, en gros, je trouve que j'aime la nouvelle interface. OK, j'aime ça. Par contre, j'aime moyennement le fait qu'il y a des choses à gauche et à droite de la timeline. Donc, j'ai comme tendance à lire seulement la gauche en premier et seulement la droite parce qu'ils sont comme décalés. C'est pas comme... Tu peux pas faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Faut que c'est jamais égal, tu sais. Dépendant si c'est une photo ou du texte. Fait que je fais comme gauche, puis après ça, droite. Mais c'est plus temporel. Donc, l'intérêt de la timeline, d'avoir des choses par date, vient comme être défait si tu fais ça. Et en plus, c'est qu'en haut à droite de ta timeline, t'as tes amis... genre les plus importants, en dessous, les affaires qui se sont passées récemment, mais tout ça n'est pas en ordre temporel. Donc, ça donne quoi de le mettre sur la timeline? La misère à comprendre un peu. C'est beau. Mais bon, que voulez-vous, on va s'habituer et à un moment donné, on n'aura pas le choix parce que c'est comme ça qu'ils font les affaires. Facebook, ils l'imposent aux gens. sais, après un bout. T'as pas le choix. T'as pas le choix si tu veux que les choses changent. Toujours au sujet de Facebook, un Israélien change son nom pour celui du créateur de Facebook. Un homme d'affaires israélien, Rotem Guez, a fait savoir qu'il avait légalement changé son nom pour adopter celui du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Sa démarche visait à décourager le site de réseau social d'entreprendre ce qu'il qualifie de menace de procédure judiciaire à son égard. Monsieur Guez a déclaré à Facebook que s'il souhaite mettre à exécution ces menaces, il devrait poursuivre Mark Zuckerberg. C'est parce que c'est lui qui s'appelle Mark Zuckerberg maintenant, t'as compris? Ouais. Donc, il a indiqué qu'un avocat de Facebook avait fait... c'est vraiment très, très intelligent, tellement... Donc, il a indiqué qu'un avocat de Facebook avait fait pression contre lui cette semaine pour fermer son site commercial Like Store, que le géant du réseau social juge illégal. Like Store promettait d'augmenter la réputation virtuelle des compagnies en offrant aux usagers de Facebook du contenu gratuit en cliquant simplement sur le « j'aime » de leur page Facebook. L'Israélien a reconnu samedi qu'il avait enfreint les conditions d'utilisation de Facebook, mais il affirme que plusieurs autres compagnies américaines ont adopté cette pratique. Tout le monde le fait, hein? Donc c'est correct, c'est ça? C'est ça. Facebook a refusé de commenter ce changement de nom, mais a réitéré qu'il poursuivrait ceux qui enfreignent les conditions d'utilisation de la compagnie afin de protéger les usagers du site web. Parlons de jeux vidéo, deux petites secondes, François. Vas-y, Mathieu. Commençons par les 3DS pour parcourir un musée. Donc, à partir de mars 2012, le Louvre va remplacer ses traditionnels audio guides par des Nintendo 3DS. Oh, ouais. Oui, le musée a signé une entente avec Nintendo qui va lui fournir 5000 consoles portables. Je cite. Ouais. C'est incroyable. Hein? La console de jeu est un objet du quotidien. Beaucoup de gens savent s'en servir. Son ergonomie est très simple. L'écran est tactile. Ce ne sera pas un problème pour les personnes âgées. Oh, ouais. Eh ben, hein? Avec une Nintendo 3DS accrochée à son cou, le visiteur pourra écouter des centaines de commentaires sur les œuvres exposées dans 8 langues différentes, dont la langue des signes, je te jure. Ben. Les parcours spécifiques seront disponibles pour les enfants et pour éviter les vols, le visiteur devra déposer une pièce d'identité en caution. Ah ouais? Ouais. Le but premier de cette décision est de doubler le taux actuel d'utilisation des audioguides, qui est présentement de seulement 4%. Le Louvre espère aussi attirer de nouveaux visiteurs en accordant une attention particulière au public peu familier des musées, qui n'associe pas a priori le patrimoine à l'univers innovant du divertissement interactif. Que veut dire cette phrase? Bref, moi, en tout cas, j'aimerais bien pouvoir aller dans un musée jouer à Mario. Ah, j'imagine, ouais. Je pense que tu jouerais en même temps. Probablement. Mais non, c'est cool, je trouve l'idée très, très bonne. Et j'aime ça, enfin, de voir une nouvelle comme ça d'innovation qui n'est pas par rapport à l'iPad. Parce que là, l'iPad est partout. Là. Ouais, c'est ouais. Rendu que les pilotes d'avion vont pouvoir utiliser un iPad à la place de documents papier. Je suis pour. Je trouve ça parfaitement logique qu'à la place d'avoir un document de papier de 300 pages, tu as un iPad. Fine. Mais au moins... pas tout le temps le même gadget de tout le temps la même compagnie. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est le meilleur. J'avoue que c'est correct. Je comprends que c'est le meilleur. Mais je trouve qu'on en parle beaucoup trop dans les médias, ouais. Je trouve. Tout ce qui est utilisé avec un iPad, à un moment donné, il n'y en a plus de place qu'il n'y a pas d'iPad. Fait qu'on peut s'arrêter d'en parler. Bon. Et le producteur de... On termine sur une nouvelle triste aujourd'hui. Oh, mais rapidement. Très, très, très rapidement. Le producteur de DJ Hero qui a été tué par un conducteur en état d'ébriété. Hey boy. Gamma Sutra rapporte le décès de Will Townsend, un vétéran de l'industrie qui a été récemment le producteur de la franchise DJ Hero. Il s'agit d'une mort tragique. C'est le fun de ce jeu-là. J'ai jamais joué à DJ Hero encore. Voilà, non. Puisque Townsend a été tué lors d'un accident de voiture, lors d'un contact avec un conducteur qui était en état d'ébriété. Townsend a commencé sa carrière en 2001 chez Westwood Studio. Chez Electronic Arts, il a contribué à la création de jeux comme Command & Conquer Generals, wow. Medal of Honor European wow. Assault et Lord of the Rings Battle for Middle-Earth. Par la suite, chez Activision, il a travaillé sur Spider-Man 3 pour ensuite devenir s'occuper de différents volets de la franchise Guitar Hero sur la Wii et sur la DS. C'est à ce moment-là qu'il est devenu producteur. Il a ensuite été transféré sur la franchise naissante DJ Hero. Et depuis janvier 2011, il travaillait chez Nexon America, créateur de jeux sociaux et portables. Voilà, donc, allez voir le reste de la nouvelle sur assemblagerocky.com. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Je vais laisser quelques petits liens rapides sur assemblagerocky.com avec les meilleurs jeux de 2011 et les pires jeux de 2011 selon plusieurs experts. C'est quoi le pire, pire, pire? C'est par catégorie. Donc, on parle de Duke Nukem Forever sur PC, Xbox 360 et PS3. Il y a X-Men Destiny, Rise of Nightmares, Asphalt 3D et Dungeons & Dragons Daggerdale. Il y a tout plein d'autres jeux aussi qui ont reçu des mentions spéciales. Ça doit être vraiment le fun de recevoir une mention spéciale ouais, pour ça. Ça doit, ouais, ça doit. Et côté meilleur jeu, en gros, le Batman Arkham City... Gears of War 3, Deus Ex, Human Revolution, Torchlight, Bastion, Outland et un paquet d'autres, dont Limbo. Je t'avais montré Limbo à un moment donné, l'affaire genre en noir et blanc. Là. Ouais. Si je voulais avancer. Ouais, ouais. C'est pas grave. Allez voir la liste au complet sur assemblagerocky.com. Voilà. Dash.com. Dash.com. www.lesbiennesdu.com. We'll be right back.

CNX.com. Voilà, c'est tout pour cette édition de CNX.zip. Je vous rappelle que c'était la dernière émission de 2011. Nous serons de retour en 2012. Visitez assemblagerequis.com et sifu.ca pour la date exacte. Entre-temps, retrouvez les notes de l'émission et la balado-diffusion de cette émission sur assemblagerequis.com. C'était Mathieu Plante. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve en janvier. Dash.com.